accepter ma chanson comme une poignée de main. Qu'il fait bon d'être ici, il vaut causer un brin du bonheur aujourd'hui et bien plus pour demain. Accepter ma chanson comme une poignée de main. Ça me fait bien plaisir de pouvoir vous revoir. La vie est tellement vite, mon Dieu, que le temps passe. Faut qu'on en profite, ça va nous faire du bien. Acceptez ma chanson comme une poignée de main. Acceptez ma chanson comme une poignée de main. Qu'il fait bon d'être ici, il vous causez un brin du bonheur aujourd'hui et bien plus pour demain. Acceptez ma chanson comme une poignée de main. N'a pas le goût de chanter, peut-on lui suggérer d'essayer de faire semblant? Il faut garder le sourire, y'a pas mieux c'est certain. Acceptez ma chanson comme une poignée de main. Acceptez ma chanson comme une poignée de main. Il fait bon d'être ici, il vous causez un brin du bonheur aujourd'hui bien plus pour demain. Acceptez ma chanson comme une poignée de main. Un peu plus tard chez vous, faites part à vos amis de la joie du moment. Et vous chanterez pour moi ce bout de ce refrain. Acceptez ma chanson comme une poignée de main. Acceptez ma chanson comme une poignée de main. Il fait bon d'être ici, et vous causez un brin du bonheur aujourd'hui et bien plus pour demain. Acceptez ma chanson comme une poignée de main. Acceptez ma chanson comme une poignée de main.